Le gâteau au chocolat et la poupée mécanique. Lu par Sabine pour audiocité.net. La recette du gâteau au chocolat. Pour ce gâteau, il faut 100 g de sucre, 4 œufs, 30 g de farine, un sachet de levure, 100 g de beurre, 200 g de chocolat pâtissier. Commencez par préchauffer le four thermostat 6, soit 180 degrés. Dans un saladier, mélangez le sucre et les œufs et ajoutez la farine. Dans une casserole, faire fondre le beurre et le chocolat. Quand le mélange est bien lisse, le versez dans le saladier et mélangez le tout vigoureusement. Cuire 20 minutes à 180 degrés. Et pendant que le gâteau cuit dans le four, voici l'histoire pour les enfants. La poupée mécanique. Dimanche dernier, avec papa et maman, nous sommes allés à la brocante. Moi, je ne savais pas ce que c'était une brocante. Maintenant, je le sais. C'est comme un grand magasin, mais dehors. On peut même y manger des frites et des crêpes au soleil. Et ça discute, et ça papote. Papa a acheté un énorme tableau pour accrocher sur le mur de son bureau. Il m'a dit que c'est de l'art abstrait. Moi, je le trouve vraiment moche. Quant à moi, j'ai eu une poupée. C'est moi qui l'ai vue la première. Regarde, maman, la jolie poupée. Mais je n'ai pas réclamé. Sinon, c'est sûr que je ne l'aurais pas eu. J'ai caressé ses longs cheveux noirs, un peu emmêlés, et je l'ai embrassé. Maman a dit au monsieur, « Combien pour la poupée ?»« Pas cher, 15 €. »« 15 €, pas cher. Elle est un peu sale et vieillotte tout de même. » Alors le monsieur me l'a prise doucement des mains, est venu s'asseoir sur un minuscule tabouret devant moi, et il a dit à maman, c'est une poupée mécanique. À quoi elle sert la toute petite clé qu'elle a dans sa main? Interrompis-je. Regarde, me dit le monsieur. Il a pris la clé, l'a mise dans un petit trou caché dans le dos de la poupée, et il a tourné plusieurs fois. C'était magique. Les yeux de la poupée se sont mis à cligner et ses bras à remuer de haut en bas. Mais pourquoi elle fait tant de bruit, ta poupée? Tu sais, cette poupée avait un papa serrurier et une maman musicienne. Patiente juste quelques secondes. Et alors là, c'était encore plus magique. La bouche de la poupée s'est ouverte et elle a chanté au clair de la lune. Tu vois, me dit le monsieur, la petite clé sert à faire briller les étincelles que les petites filles ont dans les yeux. Je n'ai pas tout compris, mais maman a acheté la poupée. En rentrant à la maison, nous l'avons lavée, nous avons coiffé ses grands cheveux, et hier, mamie m'a promis de lui coudre des beaux habits de princesse. Comme elle va être belle, ma poupée magique. Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster le gâteau au chocolat. Bon appétit !